Chapitre 3e. Le pompier diligent. Sur les conseils de Paulin Broquet, le régisseur Eugénio avait donné l'ordre de ne rien changer à la vie habituelle du cirque, à la marge des répétitions. Mais il avait fait convoquer tout son personnel pour l'après-midi, dans le cas où le détective voudrait poser quelques nouvelles questions. Comme la veille, Eugénio avait mis son bureau à la disposition des magistrats. Paulin Broquet s'en empara. « Vous allez, mon cher Eugénio, m'envoyer ici Madame Frisette, la petite Bianca, puis Rosa de la Huerte et Miss Hayden. » Et comme Eugénio sortait, il le retint par le bras. « Quant à vous, aujourd'hui, vous n'y êtes pour personne. Personne ne doit pénétrer dans votre bureau. Mille regrets, impossible. Pour tous ceux que je n'appellerai pas. » Eugénio alla quérir les artistes que réclamait le détective. Peu après, il revenait avec Madame Frisette, et ayant fait dire à Bianca, la petite danseuse, de venir dans son bureau. Madame Frisette était extrêmement émue. Elle avait passé une nuit en cauchemar qui lui donnait la fièvre. C'était une brave femme que Madame Frisette, depuis plus de 20 ans habilleuse au cirque, en qui on pouvait avoir toute confiance. Les artistes lui donnaient à garder leurs bijoux, leur argent. Sa vie était le cirque. Son seul bonheur la causait dans le couloir pendant la représentation. Ce sobriquet lui venait de la conscience avec laquelle elle remplissait sa tâche d'habilleuse. Elle ne laissait descendre en piste les artistes qu'après avoir minutieusement passé l'inspection des costumes, de la coiffure et déclaré « Ça va bien, même les frisettes ». Paulin Broquet ne voulait interroger la bonne femme que pour fixer certains points encore obscurs. Quant à Bianca, elle était fort surprise qu'on la mandât chez le régisseur. Elle ne pensait pas qu'elle pût être mêlée au drame qui causait si grande émotion dans la maison. Croyant que c'était pour affaire de service, elle ne se montrait en aucune façon inquiète. Et elle arriva chez M. Eugénio, souriante et jetant en passant quelques coups d'œil bienveillants aux longues glaces des couloirs, qui leur envoyaient l'image de sa frimousse éveillée de petite danseuse. Vraiment, elle était loin de s'attendre à voir dans la loge les personnes qu'elle y trouva. Sa gaieté tomba tout à coup et une grande anxiété s'empara d'elle. Bianca s'arrêta indécise sur le pas de la porte. « Entrez !» lui dit Paulin Broquet. « Entrez, nous vous attendons. » Pour la rassurer, le détective lui prit la main et la conduisit jusqu'à une chaise auprès de Madame Frisette. Bianca était toute mignonne, brunette aux grands yeux bleus, rieuse et aimée de toute la maison. Elle avait 20 ans. C'était une enfant de la balle, fille d'une écuyère et d'un gymnaste, faisant partie du personnel depuis plusieurs années. Bianca était pour ainsi dire venue au monde dans ce cirque, où elle avait joué tout enfant, où elle travaillait maintenant. C'est pour cela que Bianca pouvait aller, venir dans le cirque, sa maison, partout, à toute heure, passer par-dessus les règlements, et venir faire la causette pendant la représentation avec Madame Frisette. Paulin Broquet aimait mener les choses rondement. Il dit à la danseuse, « Inutile, Bianca, de vous dire qu'il s'agit du vol et du crime commis hier soir ici. Rassurez-vous, ma chère enfant, inutile de vous dire aussi que vous, ni Madame Frisette, vous n'êtes pas seulement soupçonnée, mais vous pouvez nous seconder dans nos recherches. J'ai quelques renseignements à vous demander. » « Bien, monsieur, je puis déjà vous certifier que le malfaiteur n'est pas de la maison. C'est mon avis. Voulez-vous préciser toutefois un point de l'enquête ? Voici. Comme tous les soirs, Madame Frisette se trouvait dans le couloir qui conduit aux loges de Mademoiselle Rosa et de Miss Hayden. Vous êtes venu faire la causette avec elle. Oui, monsieur, comme tous les soirs. Très bien. C'est donc pendant que ces dames se trouvaient au foyer que le crime a été commis. Certainement. Mais ne m'avez-vous pas dit qu'à ce moment, Madame Frisette se trouvait dans le couloir ? Moi aussi, j'étais près de l'escalier, à côté de Madame Frisette. Ah hein ! Fit le détective. Nous touchons au point délicat de cette affaire. C'est bien à ce moment que le vol a été commis. Impossible, monsieur, impossible ! S'écria Bianca. Il fallait passer par le couloir, et nous aurions forcément vu le voleur. Mais vous l'avez vu ! Bianca et Madame Frisette se regardèrent abasourdis, se demandant si cet homme plaisantait et voulait se jouer de leur anxiété. Oui, oui, appuya Paulin Broquet, parfaitement vu. Eugénio parut à ce moment et annonça la venue de Miss Hayden. En la voyant paraître, Paulin Broquet se leva. Miss Hayden, rayonnante, admirablement belle, s'avança gracieusement. Elle rendit son salut au détective et elle alla vers Madame Frisette à qui elle donna une cordiale et familière tape sur l'épaule. « Courage, maman Frisette, courage, nous allons trouver. » et elle embrassa affectueusement la petite danseuse. Enfin, ayant pris la chaise que lui tendait Eugenio, elle s'assit. « Nous précisons, lui dit Paulin Broquet, le moment où le vol a été commis. C'est pendant que Mademoiselle Rosa et vous, vous vous trouviez au foyer. »« C'est mon avis, dit Miss Hayden. Mais Maman Frisette et Bianca affirment certainement que ce n'est pas possible, qu'elles n'ont vu passer personne devant elles dans l'escalier, dans le couloir. » « À moins, répliqua Paulin Broquet, que ce quelqu'un ne les ait rendus momentanément aveugles. » Miss Hayden se mit à sourire. Paulin Broquet, très doucement, essaya de calmer la petite danseuse fort émue et lui dit d'un ton paternel et bon « Ma chère enfant, écoutez-moi bien. C'est de vous que la justice attend le plus utile des renseignements. Rappelez vos souvenirs. Voyons. Puisqu'il fallait passer devant vous, vous avez certainement vu les personnes, artistes ou autres, qui montaient ou descendaient par cet escalier. Oui, monsieur, je puis vous les nommer. » Elle énuméra les noms. Eugenio et Madame Frisette certifiaient l'énumération. « Ce sont tous de braves gens, dit Paulin Broquet, que dès hier soir nous avons mis hors de cause. » Miss Hayden ajouta. « J'ai aussi la conviction que les malfaiteurs venaient du dehors. »« Pardon, Miss Hayden, interrompit Paulin Broquet vivement. « Vous venez de dire les malfaiteurs. Vous savez donc qu'ils étaient plusieurs ?» Miss Ida Hayden pâlit légèrement à cette brusque question. Elle tourna ses grands yeux étranges vers le détective et, cherchant un sourire, elle répondit avec un certain embarras. « Je dis les malfaiteurs, en effet, parce que je suppose que ce coup, promptement et habilement exécuté, n'a pu être accompli par un seul homme. » Paulin Broquet s'inclina, puis il revint à Bianca et toujours très doucement, il lui demanda. « En plus de ces artistes, vous n'avez vu passer personne ?»« Non, monsieur. » « Vous êtes bien demeuré, Madame Frisette et vous, tout le temps, sur des chaises, devant le couloir. Vous n'avez pas abandonné ces places, ne fût-ce que quelques minutes. »« Non, monsieur, nous n'avons pas bougé. » Paulin Broquet vint s'asseoir auprès de Bianca. Il lui prit affectueusement les mains, et avec la même douceur, la même patience inlassable, lui demanda encore. « Pendant tout ce temps que vous êtes resté là, à faire la causette, outre le passage des artistes montant ou descendant, il ne s'est rien produit qui éveilla votre soupçon, qui vous surprit. Rien, aucun incident, même tout petit, aucun événement. » Bianca secoua la tête, elle réfléchit quelques secondes, puis tout à coup s'écria « Attendez, ah oui !» À un moment, la lumière électrique s'est éteinte. « C'est un incident qui arrive souvent, » dit Miss Hayden. « Ceci n'a aucune importance. »« Pardon, Miss Hayden, » répliqua Paulin Broquet. « Ceci prend ici une importance capitale. Je disais tout à l'heure que le ou les malfaiteurs ont dû rendre Bianca et Madame Frisette aveugles. Je ne me trompais pas. » Et revenant à la petite danseuse, « Ce manque d'électricité, de lumière, cette nuit, dura longtemps ?» demanda-t-il. « Oh non, quelques minutes à peine. Il paraît que c'était un plomb qui était fondu, un court-circuit. Un court-circuit !» s'écria Eugenio hier soir. « C'est impossible. J'aurais su. On ne m'en a pas avisé. » Paulin Broquet le calma d'un geste et il reprit sa question. « Qui vous a dit que c'était un court-circuit ? Un pompier de service ?»« Mais ça ne regarde pas les pompiers, ça !» dit encore Eugenio. « C'est l'affaire des électriciens !» De nouveau, Paulin Broquet l'arrêta. « Attendez, mon cher Eugenio, laissez-moi demander à cette mignonne Bianca qui était ce pompier. Comment le saurais-je ? Vous connaissez tout le personnel de la maison, jusqu'aux pompiers qui viennent ici par roulement. Ce sont toujours les mêmes, vous les connaissez. C'est vrai. » « Donc, vous savez qui est celui qui, précisément ce soir, se trouvait dans l'escalier au moment du court-circuit, qui vous a parlé ? Vous avez tout au moins reconnu sa voix ?»« Oui, je connais sa voix. Je la reconnaîtrai bien encore. D'ailleurs, lui-même, je l'ai aperçu. Je l'ai parfaitement vu. » Paulin Broquet demanda vivement. « Vous l'avez vu ?»« Moi aussi, » appuya Madame Frisette. « Moi aussi, je l'ai vu quand il montait l'escalier. » « Je me demande comment vous et Bianca, vous avez pu le voir, le reconnaître ?» puisqu'à ce moment la lumière était éteinte. Ensemble, Madame Frisette et la petite danseuse s'écrièrent « C'était avant !»« Comment avant ? Avant la nuit ?»« Oui, monsieur, » répondit Bianca, « puisque nous avons pu le voir en pleine lumière, pendant qu'il montait l'escalier, quand il n'était pas encore arrivé au palier. » Voilà un pompier bien étrange qui accourt aux réparations avant que l'accident se soit produit. Tout le monde regardait Paulin Broquet avec angoisse, l'écoutait anxieusement. On sentait qu'on approchait du moment dramatique. Pendant ce temps, Eugenio avait fouillé dans les papiers qui encombraient son bureau. Mes feuilles de régie, dit-il au détective, ne mentionnent pas cet accident, qui en aucun cas n'aurait pu passer inaperçu des machinistes, des électriciens. Il ne s'agit ici, mon cher Eugénio, répondit Paulin Broquet, que d'une extinction partielle, précise, voulue, qui ne devait pas durer longtemps, qui ne devait pas attirer l'attention, mais seulement aveugler cette brave et vigilante Madame Frisette et cette mignonne Bianca. Et Paulin Broquet ajouta, les malfaiteurs, car Miss Eden avait justement dit, les malfaiteurs étaient plusieurs. L'un d'eux s'est approché du tableau de lumière qui règle cet étage. Il a fait la nuit partielle pendant que l'autre ou les autres accomplissaient leur forfait. Ces derniers ne croyaient probablement pas trouver dans la loge de Mademoiselle Rosa la petite bonne bretonne. Ils s'en sont débarrassés, comme vous savez. Puis, le coup fait, ils sont redescendus. Le complice a rendu la lumière et tout fut dit. Je ferai une enquête pour savoir qui a touché hier au tableau. Quant au déguisement de pompier, reprit Paulin Broquet, rien de plus facile que de s'en revêtir et de plus commode pour circuler dans un établissement comme celui-ci. Toutefois, ce pompier qui n'en est pas un, et tenait ne pas être vu de Madame Frisette, s'il a été aperçu, c'est que le compère, pour une raison quelconque, n'a pu faire jouer à temps le tableau de distribution, n'a pu produire la nuit assez tôt. Bianca déclara. En effet, monsieur, ça doit être ça, parce que ce pompier s'est arrêté sur l'escalier et il s'est appuyé de la main sur la rampe pour se pencher et regarder en bas. Et j'ai vu, ça m'a même étonné, j'ai vu qu'à la main gauche, il portait ici, au deuxième doigt, l'index, une grosse bague. Miss Ida Eaton, à ces mots, demanda vivement. Une bague au deuxième doigt de la main gauche. Tu es bien sûr, Bianca? Tu as bien vu cette bague? Le ton pressant qu'eut la plus belle des femmes en posant cette question à la petite danseuse surprit tous ceux qui assistaient à l'interrogatoire. Seul Paulin Broquet, très froid, ne broncha pas. Il se contenta d'envelopper de son regard auquel rien n'échappait la mystérieuse Miss Eden. C'est bien là que j'ai vu la bague, affirma Bianca. Oui, Miss Ida, je ne peux pas me tromper. Et même cette bague, je l'ai déjà vue à la main de quelqu'un. Comment était cette bague? Demanda Paulin Broquet. Toutes les bagues d'hommes se ressemblent, fit Miss Eden. Je crois que nous ne devons pas nous égarer sur ce détail. Je crois au contraire, Miss Eden, dit Paulin Broquet poliment, mais d'une manière telle qu'elle n'admettait aucune réplique, que ce détail est très important. Voyons, ma petite Bianca, continuons. Vous avez bien remarqué cette bague. Comment était-elle? Oh, très belle, fit Bianca. Mais tout en répondant, la petite danseuse, très fine, très intelligente, se tournait vers Miss Eden, qu'elle aimait beaucoup. Sans en deviner la raison, elle avait compris que Miss Eden ne voulait pas qu'on fît la description de cette bague. Elle essaya d'esquiver la réponse par des subterfuges. Elle était en or, ajouta-t-elle, et puis ronde. C'est tout? Oui, monsieur. Bianca regardait encore Miss Eden comme pour lui demander s'il fallait parler davantage. Des lèvres, par un léger mouvement, Miss Eden lui fit entendre. Chut, ma chérie. Silence. Ne parle plus. Ne dis plus rien. Paulin Broquet n'était pas un homme que même la plus fine des femmes pouvait facilement jouer. Il n'eut pas l'air de voir, et le regard inquiet de Bianca, et le geste, si j'osais dire, d'entendre la parole muette de la mystérieuse Miss Eden. Mais il prit doucement le menton de la petite danseuse, comme dans une paternelle caresse, et il la força à tourner la tête vers lui, puis lui dit « Vous ne devez pas ignorer, ma chère enfant, que quand on sait quelque chose sur un malfaiteur et qu'on ne le révèle pas à l'enquête, on passe pour vouloir sauver le coupable et que la loi, qui ne plaisante jamais, qui n'admet pas les restrictions, vous considère tout bonnement comme complice. Complice ? » cria Bianca, affolée. « Moi, complice ? Mais oui. Et vous savez aussi que les complices sont regardés à peu de choses près comme les coupables eux-mêmes. » Ainsi donc, ma jolie petite Bianca, si vous refusez de me dire ce que vous savez, vous me mettez dans l'obligation de vous garder à la disposition de la justice. La petite danseuse eut un soubresaut de terreur. Me garder? M'arrêter comme complice du voleur, de l'assassin? Hélas, c'est la loi. Oh, c'est affreux, mais c'est épouvantable. Ah, monsieur, écoutez-moi. Cet homme, ce misérable, oui, je l'ai vu. Je le reconnaîtrais. Oui, je le reconnaîtrais bien si je le voyais. Mais je ne puis vous dire qui c'est. Sa voix, si je l'entendais, je la reconnaîtrais aussi. Rien qu'au son qui est encore dans mon oreille. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je puis faire, monsieur, je vous le jure. Je ne vous demande, mon enfant, que de me décrire la bague que cet homme portait. C'est une grosse bague en or qui portait en rouge, en rubis, comme un chiffre, un 4. Un 4, comme ça ? Fit Paulin Broquet, traçant sur un papier ce chiffre avec un crayon. Comme ça, oui, mais le rubis faisait en même temps un 7. Un 7 comme ceci, deux chiffres à côté l'un de l'autre, séparés, formant 47 ou 74. Non, monsieur, je me souviens, il n'y avait pas deux chiffres. Le 7 était en haut, le 4 en bas. Ça ne faisait qu'un seul chiffre. Ah, un seul chiffre, comme ceci. Alors ce n'était pas un chiffre, mais une lettre, voyez. C'est cela, un Z, oui, ça faisait un Z. Paulin Broquet se mit à sourire. Merci, ma petite Bianca. Vous êtes si émue que votre mémoire est troublée. Je vous fais dire ce que je veux. En voilà assez pour aujourd'hui. Vous n'irez encore pas cette fois sur la paille humide du cachot. Après une dernière caresse amicale, il congédia la petite danseuse et Madame Frisette. Miss Eden voulait les suivre, mais Paulin Broquet la retint. « Votre avis, Miss Eden, sur tout ceci ?»« Mon avis est que nos diamants ne sont pas prêts de revenir, et que l'assassin de la petite Bretonne doit courir à son aise. » Paulin Broquet leva les bras au ciel. « J'en ai peur, » dit-il très sérieusement. « Nous n'avons rien appris de nouveau depuis hier. Cette histoire de faux pompiers, de plomb fondu, de court-circuit, de bagues en or avec 4 et 7, un Z, en rubis... C'est un peu fantastique. C'est risible, en effet. Oui, cette fillette ainsi que Madame Frisette ont le cerveau farci de romans feuilletons, d'aventures de brigands merveilleux, d'histoires de policiers extraordinaires. Ce que vient de nous dire Bianca ne signifie rien. Cela ne tient pas debout. Je suis, je l'avoue, un peu déçu. Tout est à refaire, tout est à trouver. N'est-ce pas votre métier ? Dit Miss Eden sèchement. Doutez-vous de votre habileté proverbiale ? De votre talent merveilleux. Et Paulin Broquet aurait-il fini avec Zigomar ? Elle salua, se retira vivement et courut par les couloirs du cirque à la recherche de Bianca. Peu après, Paulin Broquet, son lieutenant Gabriel et Eugenio, qui avaient assisté à cet interrogatoire avec l'anxiété que l'on devine, se retiraient également. Le bureau du régisseur n'était vide que depuis quelques instants, quand tout à coup, très doucement, le couvercle du grand coffre où Eugenio serrait les programmes anciens, les vieilles affiches, les gravures, se souleva. Un homme sortit du coffre avec précaution. Cet homme, qui avait, dans son singulier réduit, assisté à cet interrogatoire, portait sur la figure un rire narquois. « Imbécile » fit-il en haussant les épaules. « Ces détectives de romans policiers sont grotesques. Leur flair, leur intuition, quelle plaisanterie !» Quand on arrange le roman pour leur donner raison, ça peut aller. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas la même chose. Et voilà le plus célèbre, le plus réputé, le redoutable Paulin Broquet, le prétendu vainqueur de Zigomar, qui écoute les racontars d'une vieille habilleuse et d'une jeune danseuse, qui base son enquête sur une bague au deuxième doigt de la main gauche et qui espère trouver son homme parce qu'il porte un Z en rubis. Pauvre cervelle. L'homme, tout en parlant, enleva de l'index de sa main gauche une large bague en or, sur laquelle une ligne de rubis deux fois brisée en angle formait un Z couleur de sang. Il la mit dans son gilet, disant « Maintenant, Paulin Broquet, courez après moi !»